Er weer een uur, dat zullen we heen en bijzonder. C'est l'heure de retrouver Henda Bredonk. On retrouve Henri Le Naou, Henter Bredonk, Kentel Perron. 16 à Henter, 457. Oui. Ça va bien, Henri? Oui, oui, ça va, oui. Madame Tra. Madame Tra, un homme sans bras. De ce que t'as glaim. De ce que t'as glaim. Il n'y a pas à se plaindre. Henri, la fois dernière, on avait parlé du masculin qui se dit en breton. Gourel. Et aujourd'hui, c'est le féminin. Féminin, bénel. Voilà. Et donc, c'est un peu un retour sur le genre grammatical. Donc, en fait, le genre grammatical, c'est un peu comme en français. Il y a aucun moyen de le déterminer à part, bon, pour le sexe des animaux, par exemple, ou des personnes, mais autrement, il n'y a aucune raison que la table soit du féminin plus que du masculin. D'ailleurs, il y a des différences entre le breton et le français. Par exemple, un corbeau, par exemple, au vran, en breton, c'est féminin. D'accord. Voilà, des choses comme ça. Donc, il faut le savoir. Orven, par exemple, hein, ou orwezen, hein. Un arbre, oui, bon, c'est féminin en breton. Et c'est unti par exemple, hein, c'est pareil, hein, c'est féminin en français et masculin en breton. Donc il faut le savoir, voilà. Il n'y a pas d'autre façon de. Alors le mot bénel, qui veut dire donc le féminin, c'est une très vieille racine, hein, qu'on trouve en cornique et en gallois, qu'on trouve plus beaucoup en breton. Il y a pratiquement qu'un seul mot en breton. Où on trouve ça, c'est Eben. Quand on dit, par exemple, Ney Agiben, l'une et l'autre, au masculin, c'est Ney Agidjile, et au féminin, c'est Ney Agiben. L'une et l'autre. Et donc, c'est le seul vestige de ce mot-là en breton. Donc, Ney Agiben, ouais. Alors, c'est un mot qui voulait dire, en vieux breton, qui voulait dire « s'accompagne », Iben. Mais c'est un mot qui a disparu, sauf dans l'expression, quoi. On pense pas d'où ça vient quand on utilise cette expression. Voilà. Alors, les marques du féminin, hein, on a quand même... on a une marque du féminin en breton, c'est la mutation. La mutation adoucissante. Alors de ça, on a parlé souvent et longtemps. Donc je vais pas m'attarder. Qu'est-ce qui est dur, plus j'adure. Oui, je sais pas si c'est plus j'adure, mais qu'est-ce qui est dur. Voilà, qu'est-ce qui est dur ou drevlotad, hein, par adoucissement. Bon, et alors il y a d'autres marques du féminin. C'est par exemple pour les chiffres, hein, do et diu, trieter et per et pidor. Poder, qu'on dit en certains endroits aussi. Donc, par exemple, pour l'heure, hein, pideerer, hein. Ailleurs, on dit poderer. Voilà. L'heure est féminine. Oui, l'heure est féminine, oui. Voilà, terreur, hein, voilà. C'est pareil pour Gwesh. Diewer, oui. Oui, Divish, oui. Voilà. Donc, alors, pour faire un mot féminin, il y a aussi une autre marque qui est le suffixe EZ, EZ, et, hein. Qui donne un mot féminin à partir du mot masculin. Par exemple, Corner, un chanteur, Horner, hein, Corneres, la chanteuse, Organeres, hein, voilà. Et Corneres, alors là, c'est presque la même prononciation, c'est presque la même chose. Corneres, qui est lavandière, hein. Oui. Celle qui blanchit. Celle qui blanchit, oui. Canne, hein. Ouais. On avait déjà parlé de ça. À Mélionnec, il y a une petite rivière qui s'appelle Stercanan. Oui, Stercanan, oui. Elle devait être après le lavoir. Oui, oui. Ouais. Voilà. Alors, en fait, ça correspond au suffixe S en français, hein, comme la chasseresse, Diane chasseresse, hein, la doctoresse, la pêcheresse. Ça ne se dit plus beaucoup, la pêcheresse. Hein. Voilà, la maîtresse, hein. La poétesse. Ah ouais, ouais, la poétesse, ouais. Voilà. Donc, alors en breton, par exemple, d'autres exemples, mestre, hein, le maître, mestresse, la maîtresse, par exemple, vestres call. Quand on dit me mestre, c'est pas le même sens qu'en français, hein. La maîtresse, c'est autre chose, hein. Me mestre, c'est ma copine, ma fiancée, quoi. me mestre. Il y a plein de chansons, hein. Maroé me mestresse, hein. Maroé me mestresse. C'est pas très gai, ça. Bon. Alors, Kéméner, par exemple, Kéméner, alors Kéméner, hein, une couturière. Ça se dit aussi pour les machines, hein, par exemple, un dornéres, hein, la batteuse, un drorheres, la faucheuse, hein, voilà. Pour les, la couleur des cheveux aussi, une ducardes, une brune. Alors, velégandes, hein, une blonde. Un autre mot, par exemple, pour une adolescente. Alors, crénard, c'est l'adolescent pour un garçon. Et en grenardes, une adolescente pour une fille. Alors, bon, là, c'était pour une construction avec un suffixe. Mais il y a beaucoup de cas où le féminin n'a rien à voir avec le masculin. Comme en français, d'ailleurs. Hein. Par exemple, leur mar, un étalon. Leur gaz, une jument. Leur peau, leur plard, hein, un garçon, une fille. Un autre onitron, là, ça se ressemble un petit peu, hein, un monsieur, une madame, souvent ironique d'ailleurs. Un tar, holy, ouais, orvior, la vache. Voilà. Alors, il y a certains suffixes qui font que le mot est plus facilement féminin, par exemple Aden, hein, Canaden, hein, voilà, Ergavaden, une trouvaille, hein, Onabaden, hein, Diwabaden, Orgalupaden. Donc, ce sont des mots. Donc, les mots qui se terminent par Aden comme ça sont souvent féminins, presque toujours. Mais les exceptions confirment la règle. Les mots en adec aussi, hein, comme redadec par exemple, on en parle beaucoup en ce moment, dit redadec. Les mots en ureuse aussi, comme discadureuse, magadureuse, voilà, magadureuse, l'alimentation, ça va donner en vagadureuse. Bon, ben voilà un petit... Il y avait une usine d'aliments dans le Morbihan qui s'appelait Magadure. Magadure, oui. Ça vient du breton, là. Oui. Ah ben c'est peut-être un nom de famille aussi, hein. Magadure, hein, parce qu'il y avait... Il demandait de l'aliment pour les volailles. Ouais. C'était peut-être pas voulu, parce que il y a un nom de famille. Il y a eu un facteur à Pemrite qui s'appelait Magadure aussi, dans le temps. Donc, voilà. Bon, ben, on a fait un petit tour sur le féminin. Allez, on passe à la seconde partie. Brézonec tant m'attendre. Thank you. Brézonnec tant matin, Henri Le Naou. On continue dans cette seconde partie de découvrir, il me semble, les gens de lettres en langue bretonne. Oui, parce que c'est le printemps des poètes. C'est toujours le printemps des poètes chez nous. Donc, printemps des poètes. Et donc, j'avais pensé aujourd'hui dire quelques mots, simplement quelques mots, hein, sur Angèle Jacques. Donc Angèle Jacques, qui est née à Landudal, hein, près de Quimper, en 1937, et qui a d'abord été agricultrice, comme Angéla Duval, et qui ensuite a exercé différents métiers, avant de devenir écrivaine, comme on dit aujourd'hui. C'est joli, écrivaine. Voilà, ça rime avec Touraine. Donc, elle a écrit des pièces de théâtre, des romans, comme... Les Braises de la Liberté et Tinaïque aussi. Et puis elle a écrit des poèmes, elle a écrit des contes aussi. Et là, y a un livre qui est paru il y a 2 ou 3 ans là, et qui m'avait été offert. Et donc c'est un livre que j'aime beaucoup, qui est un livre bilingue. Alors ce qui est intéressant, c'est que il y a traduction paragraphe par paragraphe, enfin traduction ou adaptation en français, parce que les deux textes, justement, sont pas complètement équivalents. Donc, et ça s'appelle « Dre Vertur Graunien », par les vertus de la noisette, ou par la vertu de la noisette. Alors, en fait, ça se présente comme une veillée, où Angèle Jacques nous mène à travers les contes, les poésies, et c'est très agréable à lire, et je pense que pour quelqu'un qui apprendrait, par exemple, à lire et à écrire le breton, ce serait intéressant. D'autant qu'il y a de très jolies illustrations. Alors, j'allais dire aussi, c'est illustré par Lucien Pouedras, qui est un de mes peintres préférés, et qui fait des choses absolument merveilleuses. Bien sûr, c'est dommage qu'on n'a pas une caméra, là, pour montrer aux gens. Ici, il y a un pardon, par exemple, un pardon d'une petite chapelle, là. Avec tous les ingrédients du pardon, la procession, tout ça. C'est très très bien fait. Alors Lucien Pouedras, donc c'est un peintre qui travaille à partir de ses souvenirs d'enfance et qui fait des choses très très précises. C'est très très beau quoi. On l'a vu il y a pas très longtemps à la télé d'ailleurs dans une émission sur les Bretons de Paris parce qu'il est plus ou moins habitant de Paris encore. Il vient souvent en Bretagne, sûrement. Moi, j'aurais aimé faire un jour une exposition de Lucien Pouedras à Pemrite. Je sais pas si c'est un peu un rêve. L'appel est lancé. Peut-être qu'un jour, ça se fera. Alors, voilà. Alors, je vais donner un petit aperçu d'un petit poème qui se trouve dans ce livre. Ça s'appelle « Eddie Mazer His ».« Eddie Mazer His ». Ah, dans parquet y aurit-tu, zével zout brise du, et des mets de his, mondre ori benou, riboul di riboul, da halouach en bro, dre miliad ou amiliad ou henchou, et des mets de his, et vel calzedrou el hois. Alors, voilà, donc, elle en donne une adaptation. Et elle est majorie, ça veut dire c'est sorti de la mode, ce n'est plus à la mode. Et elle dit, elle, jeter aux orties la vieille coutume de semer du blé noir à plein champ, jeter aux orties la vieille coutume des troupeaux de rotten pinoir, jeter aux orties la vieille coutume d'aller par les sentiers cachés, monter et grimper, pérégriner, itinérant, le long de milliers et milliers de chemins. Jeter aux orties la vieille coutume, comme tant d'autres, hélas. Voilà. Alors, ça donne un petit peu une idée de la poésie d'Angèle Jacques. Jeter aux orties. Eh bien, on conseille donc la lecture de La vertu de la noisette, voilà, d'Angèle Jacques. C'est paru chez Cobbraise. Cobbraise, oui. Voilà. C'est un ouvrage à recommander. On passe à Petra Zonnet-Vervaux maintenant. Petra phrase au Neve Arvro, Eri? Ben, calz a draou boer vech di ouzan hag krogom de diantan vel kis a kustum gant la bourdoua hag an ur vue war ar mez. Bon, erruon bremañ ban eve amzan. Nek oual domroaz, me erruon ban eve amzan. Hag on ebade o zo ve gwell de besketerien oa rib l'un dour, oa rib l'o oajou, o teul o linien ban dour gant ur vue zugen pe o geionnen, evit tap o pesken. Vejo pe verreji ne gro gantet ke kouls. Bon tap o pes velar e oan e brenber, e oan e brenber gwejel oa on den deus rostren, enfin gant deus purud oa de diantan, met e de chom de rostren, an de gus gred or gant oan oa a pesketerien. Ur pesketer eus o kondan eut pe eru a arbe, por de stér, de la kadi jonge gant ne pesken le zoli drubu ou badier, a ma grogan luzen ni vuzugan pe ni geyonan, ma eur guir besketer, eut le non ni banneur. C'est tu, on tombe bien de ce grand nom, quand on se grand nom venir. Et vel juste vide, vide en pesqueterienne, quoi. Bon, vite chum, on tombe voir vu et voir armes, comme son bon tombe de ce lard bourdoua, bonheur mar et mandak qu'al vend un trop grande prise mort, à gouscoudé, pv gret de bouin mal, grande king mort, ve moyen de verzonne madoir, d'asquire, pâté enaf, quand l'assaut a bécrou et d'or pâté enaf, plus dur, stal enaf ou a bézav, quand on dit, de ce pouldreuzig, hand veut Jean enaf, pouldreuzig, bro Jacques Elias, bro Vigouden, hag ou a bé de gred, or stal et vide la cad de légumes hach babouest ou mian. Hag, quand l'assaut ni ouen jonge de l'édan d'adendash en entom, hag or pâté. Hag, bon, c'est une lance de pâté naf, hag rééquipé n'est que béchange de bouée. Ma meuse mode végrette pâté naf, vel vigégrette au houlse. A bromen végrette, waran que pin million de bouées sur mir, pâté naf, végouerze d'on tombe pébler, war arbeit. Hag, bromen et loïg et naf, vazo ma peine stal, waler ida, didat cause, ata didat cause. Hag, c'est, n'une der en madouar, hein. Also, pâté naf, zo deux, d'on tombe de vous devez, au narwis, de ce bouée d'orvrou. Wardachen Nandro Bromen bonne calze heureuse ou armarement gand stal variscan zo classe toulondou arbavro hom hag bonne bonne que gwalsclair un trou or strolaz au begred douar didoul vid goul mur sclérige noir en affaires de pion avec guard gual juste pétement classe à pesamo de vogret mais de bon quel de pesamo de vocon un de ne ce que gual belzo zo bevote ba camberegos camberegos et arsena ou red zo bevote ba camberegos au nasten de lesen war en energies a gnasten ze là revo ne vaut que gret de Tourio Havel, dindan o hilomet de zon ti benek. Red bout pelor, hag breiz am zizin fia ne vo kem boyen d'or Tourio Havel chin. Hag zizo be de bon neske be kal ze drouz gant zetre, hag eus koud eo dra e bouez, neske met président notre Massio, Pierrick Massio, un président de Randvro Breiz, Kavet zi, ben, on texte au bivot quand camper et gauze, un eus l'art, wak en mode, un affaire, ce qu'on va pisser un mot de vos cons, mais guiré, on dra spontus, vide une énergie, ce breiz, ma vegret, un drasé. Bon. Wardash, une économie, et ce vron, war, ve comme ze vege nomzo, de ze nech ou houarn. Hag linen tre gwen gant ma poempoul zo ben o stad valpud ur marman. Hag bon, kalz eus un train o verret e mont de dousig, war dro 30 kilomet en eur. Hag bon, vo ret 40 kalz e milion o evit radresan e linen se. Hag blanc ne vaut que de drame que de train vapeur quand de velerait pas de Blayowel, j'ai un train très pontré va à Pempoul. À blanc ne vaut que grette plus dur mon rival lignon quoi. Dans bon temps voir dash ne zevena dur bon ba gronvel zo bit de digo redonné ne vimonde betager menir pe vivouma zoem de l'art de ur pulven puis représent donc essence de ur pulven quoi. Ur menir zo non la grette comme guerre ou raison donc mais grette pelwale ni que de ur guerre or il m'a besoin. Hag bromel zo moyen temps de betager menir betager pulven. Nor que bit Pas Non, caro, ouais, j'ai cudé, nous, quand j'ai, ou que moi, il y a un don de bêta-dent, quoi. Ag, bon, vos moyens de don de bêta-guénant, quoi. Hindel, clève meus on draël, oise, war, skolzoner, la, rostren, skolzoner, kreis breiz, au hond or, un opéra prestig. Dis donc, aéné. Cléves Bezir. Hag vos disques de l'opérase, vos disques, c'est de Kergris Mouelou, à Bacalac. Hag bon, on droit bouis, hein, on droit un grand calge de dude, hein, où elle doit payer sa mot de vos comptes. Bon, aidé de Nanang, Vars, Znaï Grosmor, de ce que quoi le bezo, Honzoa, Chomba Castelpaul, il hang noir encore à rond de speed de scrive de calze drogue calz barzonego pejoari à gaïwa onega perugen avec vraiment et être de nanang quoi bon Jules Guez quasi war ve on a une on a bené que le rond de nanang va me briser que non mais Peterine disement un trou bon il y a il obédou zo bé de l'île de Barosco. Bon, bah, c'est une tombe, non que de gomsoise de ze vota dégout, benevégel, ma treizaine volard, non, on drabenait que d'y benzi. C'est tu, l'art en kenavo de Chiloé en RKB, à d'art, Morgane, j'aime d'elle. Kenou, Eri. Kenou.